Le jeune roi, par Oscar Wilde. C'était le soir qui précédait le jour fixé pour son couronnement, et le jeune roi était assis, seul dans sa belle chambre. Ses courtisans avaient tous pris congé de lui, s'inclinant jusqu'à terre, conformément au cérémonial, et s'étaient retirés dans la grande salle du palais pour recevoir quelques dernières instructions du maître de l'étiquette, car il restait encore chez certains d'entre eux du naturel, ce qui, j'ai à peine besoin de le dire, est tout à fait déplaisant chez un seigneur de la cour. Le jeune garçon, ce n'était en effet qu'un jeune garçon puisqu'il n'avait pas plus de 16 ans, n'était pas fâché de leur départ. Il s'était jeté avec un soupir de satisfaction sur les doux coussins de sa couche brodée et demeurait là, les yeux fixes et la bouche béante, comme un faune ou comme un animal des forêts, tout nouvellement capturé par les chasseurs. Et vraiment, c'était des chasseurs qu'il avait trouvés. Ils étaient tombés sur lui par hasard, tandis que, nu avec le chalumeau en main, il suivait le troupeau du pauvre chevrier qu'il avait élevé et dont il s'était toujours imaginé être le fils. Enfant de la fille unique du vieux roi, issu d'un secret mariage de celle-ci avec un personnage fort au-dessous d'elle, un étranger, disaient quelques-uns, qui, par le magique pouvoir de son luth, s'était fait aimer de la princesse, tandis que, d'après d'autres, il s'agissait d'un artiste de Rimini que la princesse avait accueilli avec honneur, peut-être avec trop d'honneur, et qui avait disparu soudain, laissant inachevée l'œuvre à laquelle il travaillait dans la cathédrale. Il avait, à peine âgé de 8 jours, été enlevé à sa mère pendant qu'elle dormait, et confié aux soins d'un paysan et de sa femme, qui n'avait pas d'enfant et vivait dans un coin écarté de la forêt, à plus d'une journée de course de la ville. Le chagrin, la peste, à ce que déclara le médecin de la cour, ou comme le suggérèrent certains, un actif poison italien administré dans une coupe de vin épicé, fit mourir, moins d'une heure après son réveil, la blanche princesse qu'il avait mis au monde, et tandis que le messager sûr, qui portait l'enfant à l'arçon de sa selle, sautait à bas de son coursier fourbu et frappait à la porte rustique du chevrier, le corps de la princesse était déposé au fond d'une fosse qui avait été creusée dans un cimetière abandonné, loin des murs de la ville, fosse où gisait également, disait-on, le cadavre d'un jeune homme inconnu, merveilleusement beau, dont les mains étaient liées derrière le dos avec une corde, et dont la poitrine était percée de rouges blessures. Telle était du moins l'histoire que l'on se confia à l'oreille tout bas. Ce qui est certain, c'est que le vieux roi, à son lit de mort, poussé soit par les remords au souvenir de sa faute, soit par le simple désir d'empêcher que le royaume ne passât en des mains étrangères, avait fait chercher le jeune garçon et, en présence du conseil, l'avait reconnu pour son héritier. Et il semble que dès le moment de cette reconnaissance, il montra les indices de cette étrange passion pour la beauté qui devait avoir une si grande influence sur toute sa vie. Ceux qui l'accompagnaient dans la suite d'appartements destinés à son usage rapportèrent les exclamations qui s'échappèrent de ses lèvres lorsqu'il aperçut les vêtements précieux et les riches joyaux qui avaient été préparés pour lui et la joie presque sauvage avec laquelle il s'était débarrassé de sa pauvre tunique de cuir et de son grossier manteau en peau de mouton. Parfois, certes, la belle vie libre des forêts lui manquait, et il s'irritait de l'ennuyeux cérémonial de la cour, qui accaparait tant d'heures de chaque jour, mais le merveilleux palais, joyeux était son nom, dont il se trouvait maintenant le maître, lui apparaissait comme un merveilleux monde de jouissance créé pour lui, et dès qu'il pouvait s'échapper du conseil ou de la chambre d'audience, il se précipitait en bas du grand escalier aux lions de bronze doré et aux marches de porphyre éclatant, et circulait de salle en salle, de corridor en corridor, comme quelqu'un qui rechercherait dans la contemplation des belles choses un remède à ses maux, une sorte de réconfort pour sa convalescence. Pendant ses voyages de découverte, comme il disait, et vraiment c'était pour lui de véritables voyages à travers un pays de merveilles, parfois l'accompagnaient les gentils pages de la cour à la chevelure blonde, au manteau flottant, au gai ruban voltigeant, mais le plus souvent il allait seul, sentant pour ainsi dire instinctivement, par une sorte de divination, que l'on apprend mieux les arcanes de l'art en secret et que la beauté, comme la sagesse, aime l'adorateur solitaire. À cette époque, on racontait de lui maintes histoires étranges. On disait qu'un gros bourgmestre, étant venu pour présenter une adresse très pompeuse au nom de ses administrés, l'avait surpris agenouillé dans une attitude de vénération devant un grand tableau envoyé de Venise et qui paraissait annoncer le culte de Dieu nouveau. Une autre fois, il avait disparu pendant plusieurs heures, et après de longues recherches, on l'avait trouvé dans une petite chambre de la tourelle nord du château, contemplant, comme en extase, une pierre précieuse grecque qui représentait Adonis. On l'avait vu, le bruit au moins en courait, poser des baisers de feu sur le fond de marbre d'une statue antique découverte dans le lit de la rivière lors de la construction du pont et qui portait comme inscription le nom de l'esclave bithynien d'Adrien. Il avait passé une nuit entière à observer l'effet des rayons de la lune sur une image en argent d'Endymion. Toute chose rare et précieuse exerçait vraiment une grande fascination sur lui, et dans son désir impérieux de s'en procurer, il l'avait envoyé à l'étranger, soit pour acheter de l'ambre aux rudes pêcheurs des mers du Nord, soit en Égypte pour rechercher cette curieuse turquoise verte que l'on trouve uniquement dans les tombes des rois et à laquelle on attribue des propriétés magiques, soit en Perse pour trouver des soies et de la poterie, soit encore dans l'Inde, à l'effet d'acquérir des gaz, de l'ivoire, des pierres de lune, des bracelets de jade, de l'émail bleu et des châles de laine fine. Mais ce qui l'avait préoccupé surtout, c'était la robe qu'il devait porter le jour de son couronnement, robe en tissu d'or, et la couronne de rubis et le sceptre avec ses rangées successives de perles. Et c'était à cela qu'il songeait ce soir, tandis qu'il était étendu sur sa couche magnifique, regardant la grande bûche de pin qui se consumait dans le foyer ouvert. Les dessins exécutés par les plus fameux artistes du temps lui en avaient été soumis déjà depuis plusieurs mois, et il avait donné l'ordre que l'on travaillât nuit et jour à leur réalisation. Il fallait fouiller le monde entier pour trouver les joyaux dignes d'être mis en œuvre. Il se voyait lui-même en pensée, debout au grand autel de la cathédrale, dans le superbe costume de roi, un sourire se jouait et demeurait sur ses jeunes lèvres et éclairait ses yeux sombres comme la forêt. Après quelques instants de méditation, il se leva de sa couche et, s'appuyant au manteau sculpté de la cheminée, il regarda autour de lui dans la demi-obscurité de la salle. Les murs étaient tendus de riches tapisseries représentant le triomphe de la beauté. Une grande armoire, incrustée d'agate et de lapis-lazuli, occupait un coin et, faisant face à la fenêtre, il y avait un petit cabinet curieusement ouvré, avec des panneaux de lac poudré ou marqueté d'or, sur lesquels étaient posés quelques fins gobelets en verre de Venise et une coupe d'onyx aux veines sombres. Des pavots pâles étaient brodés sur la petite couverture en soie du lit, comme s'ils étaient tombés là d'une main alanguie par le sommeil, et de grands roseaux en ivoire cannelé supportaient le baldaquin, au sommet duquel s'élevaient de grosses touffes de plumes d'autruche, blanches comme de l'écume, vers le palis d'argent du plafond ciselé. Un narcisse antique, en bronze vert, tenait au-dessus de sa tête un miroir poli. Sur la table, il y avait une coupe basse en améthyste. Au dehors, il pouvait voir l'immense dôme de la cathédrale, apparaissant vaguement comme une grosse bulle au-dessus des maisons perdues dans l'ombre, et les sentinelles lasses qui allaient et venaient sur la terrasse embrumée près de la rivière. Tout au loin, dans un verger, un rossignol chantait. Un léger parfum de jasmin pénétrait par la fenêtre ouverte. Il disposa ses boucles brunes pour dégager son front, et prenant un luth, laissa ses doigts errer sur les cordes. Ses paupières se fermaient alourdies, et une langueur étrange s'emparait de lui. Jamais auparavant il n'avait ressenti d'une façon aussi pénétrante et avec une joie aussi raffinée la magie et le mystère des choses belles. Lorsque minuit se fit entendre dans la tour de l'horloge, il sonna et des pages entrèrent. Ils le déshabillèrent en grande cérémonie, versant de l'eau de rose sur ses mains et répandirent des fleurs sur son oreiller. Peu après qu'ils eurent quitté la chambre, il était endormi. Et il eut un rêve, et ce rêve fut-il. Il pensait qu'il se trouvait dans une longue et basse mansarde, parmi le ronronnement et le cliquetis de nombreux métiers. Une mince apparence de jour pénétrait par les fenêtres grillées et lui faisait voir les figures décharnées des tisserands penchés sur leur travail. Des enfants pâles à l'air maladif étaient à croupetons sur les immenses poutres en forme de croix. Quand les navettes étaient lancées à travers la chaîne, il levait de lourdes voliges, et lorsque les navettes s'arrêtaient, il laissait retomber celles-ci et rassemblait les fils. Leurs figures étaient amaigries par les souffrances de la faim, et leurs mains toutes frêles tremblaient. Quelques femmes à l'œil hagard étaient assises à une table et cousaient. Une odeur horrible infectait toute la pièce. L'air était lourd et malsain. L'humidité suintait des murailles. Le jeune roi s'avança vers l'un des tisserands, s'arrêta près de lui et le regarda. Et le tisserand leva vers lui des yeux irrités. « Pourquoi m'observes-tu? Es-tu un espion que notre maître a chargé de nous surveiller ?»« Qui est ton maître ?» demanda le jeune roi. « Notre maître, s'écria le tisserand, d'un ton amer, c'est un homme tout comme moi-même. Mais vraiment, il n'y a qu'une différence entre nous, c'est qu'il porte de fins habits, tandis que moi je suis en haillons. Et encore ?» que si je suis faible par manque de nourriture, lui, au contraire, souffre quelque peu de trop manger. Le pays jouit de la liberté, dit le jeune roi, et tu n'es l'esclave d'aucun homme. En guerre, répliqua le tisserand, le fort a raison du plus faible, et dans l'état de paix, le riche assujettit le pauvre. Nous devons travailler pour vivre, et on nous donne des salaires si misérables que nous mourons. Nous peinons pour les maîtres, tout le jour durant, et eux entassent l'or dans leurs coffres. Nos enfants s'évanouissent hors du monde avant leur temps, et les faces de ceux que nous aimons deviennent dures et mauvaises. Nous foulons les raisins et un autre boit le vin. Nous semons le blé et notre table est vide. Nous portons des chaînes, bien qu'aucun œil ne les voie, et nous sommes esclaves, quoiqu'on nous appelle des hommes libres. En est-il de même pour tous ? Oui, il en est de même pour tous, répondit le tisserand, pour les jeunes comme pour les vieux, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, pour les petits-enfants que pour les vieillards courbés sous le poids des années. Les marchands nous oppriment, et nous devons forcément obéir à leurs ordres. Le prêtre passe en disant son chapelet, nul ne s'inquiète de notre sort. Par nos ruelles sans soleil se glisse la pauvreté avec ses yeux de famine, et le péché avec sa face abrutie s'en vient immédiatement derrière elle. La misère nous éveille le matin, et la honte s'assied auprès de nous le soir. Mais que te fait tout cela? Tu n'es pas des nôtres, tu sembles trop heureux. Et il se retourna d'un air farouche et lança la navette à travers le métier. Le jeune roi vit qu'il tissait du fil d'or. Une grande terreur s'empara de lui et il dit au tisserand « Quelle robe es-tu donc en train de tisser ?»« C'est la robe pour le couronnement du jeune roi, » répondit-il. « Mais quel intérêt cela a-t-il pour toi ?» Et le jeune roi poussa un cri et s'éveilla. Hélas ! Dans sa chambre, par la fenêtre, il vit la grande lune couleur de miel suspendue dans le ciel sombre. Et il se rendormit et il eut un nouveau songe, et voici quel il fut. Il s'imagina être couché sur le pont d'une immense galère mise en mouvement par les rames d'une centaine d'esclaves. Sur un tapis à côté de lui était installé le maître du bâtiment. Il était noir comme de l'ébène et portait un turban de soie écarlate. De grands anneaux d'argent pendaient au lobe épais de ses oreilles, et dans ses mains il tenait une balance en ivoire. Les esclaves étaient nus, à part un pagne loqueteux, et chaque homme était enchaîné à son voisin. Le soleil ardent tombait en plein sur eux. Les nègres montaient et descendaient le passavant et les cinglaient avec des fouets de cuir. Ils étendaient leurs maigres bras et tiraient sur les lourdes rames qui fendaient les flots. L'embrun flottait sur les lames. Enfin, ils atteignirent une petite baie et se mirent à prendre des sondages. Une légère brise soufflait du rivage et couvrait le pont, ainsi que la grande voile latine, d'une fine poussière rouge. Trois Arabes, montés sur des ânes sauvages, s'avancèrent et jetèrent des lances dans leur direction. Le maître de la galère prit un arc-pain et atteignit l'un d'eux à la gorge. Il tomba lourdement dans les vagues du bord, et ses compagnons s'enfuirent au galop. Une femme drapée d'un voile jaune les suivait lentement sur un chameau, se retournant de temps en temps vers le cadavre. Dès qu'ils eurent jeté l'ancre et amené les voiles, les nègres s'en allèrent dans la cale et remontèrent avec une longue échelle de corde alourdie par un fort poids de plomb. Le maître de la galère la jeta par-dessus bord, en prenant soin d'en fixer les extrémités au moyen de deux étançons de fer. Alors les nègres prirent le plus jeune des esclaves et le débarrassèrent de ses chaînes. Ils lui fermèrent soigneusement les narines et les oreilles avec de la cire. Ils lui attachèrent à la taille une pierre pesante. Il descendit péniblement l'échelle de corde et disparut dans la mer. Un léger bouillonnement se produisit à l'endroit où il l'avait plongé. Quelques esclaves regardaient avec curiosité par-dessus le bastingage. À la proue de la galère était un charmeur de requins qui battait sur un tambour un rythme monotone. Au bout de quelque temps, le plongeur ressortit de l'eau et se cramponna tout pantelant à l'échelle, tenant dans sa main droite une perle. Les nègres se saisirent de la perle et renvoyèrent le plongeur. Les esclaves étaient assoupis lourdement sur leurs rames. Encore et encore, le plongeur remonta, rapportant chaque fois une belle perle. Le maître de la galère les pesait et les mettait dans un petit sac de cuir vert. Le jeune roi eût voulu parler, mais sa langue lui semblait collée à son palais, et ses lèvres se refusaient à tout mouvement. Les nègres bavardaient entre eux et se prirent de querelles au sujet d'un collier de pierres éclatantes. Deux grues volaient autour du vaisseau. Enfin, le plongeur remonta pour la dernière fois, et la perle qu'il rapporta était plus belle que toutes les perles d'Ormuz, car elle avait la forme d'une pleine lune, et elle était plus brillante que l'étoile du matin. Mais la face du plongeur était étrangement pâle, et tandis qu'il tombait sur le pont, le sang jaillit de ses narines et de ses oreilles. Il eut un court tressaillement, puis ce fut tout. Les nègres haussèrent les épaules et précipitèrent le cadavre dans les flots. Le maître de la galère se mit à rire et s'avança pour prendre la perle. Lorsqu'il la vit, il l'appliqua contre son front et s'inclina. « Ce sera pour le sceptre du jeune roi, » dit-il. Puis il fit signe au nègre de lever l'ancre. Et lorsque le roi entendit cela, il poussa un cri et s'éveilla. Par la fenêtre, il vit les longs doigts gris de l'aube cueillir, crisper, les étoiles fanées. Et il se rendormit, et encore il rêva, et son rêve fut celui-ci. Il lui semblait qu'il se promenait dans la demi-obscurité d'un bois, où étaient d'étranges fruits et de belles fleurs vénéneuses. Les serpents sifflaient vers lui, et les perroquets aux brillants plumages voletaient en criant de branche en branche. D'immenses tortues étaient endormies dans le sable brûlant. Les arbres portaient en foule des singes et des paons. Il allait toujours, et bientôt il atteignit la lisière du bois. Et là, il vit une multitude d'hommes qui travaillaient dans le lit d'une rivière mise à sec. Ils grimpaient sur les rochers comme des fourmis. Ils creusaient des puits profonds dans le sol et y descendaient. Il y en avait qui fendaient les rocs avec de grandes haches. D'autres fouillaient le sable. Ils arrachaient jusqu'aux racines les cactus et piétinaient les fleurs écarlates. C'était une activité incessante. Ils s'interpellaient et aucun d'eux ne restait oisif. D'une sombre caverne, la mort et l'avarice observaient, et la mort dit « Je suis lasse. Donne-moi le tiers de ces hommes, que je puisse m'en aller d'ici. » Mais l'avarice fit un signe de tête. « Ils sont mes serviteurs, » répondit-elle, et la mort continua. « Qu'as-tu là dans la main ? J'ai 3 grains de blé. En quoi cela peut-il t'intéresser ? Donne-moi un, » criait la mort, « pour planter dans mon jardin, rien qu'un, et puis je m'en irai. » « Je ne veux rien te donner, » dit l'avarice, et elle cacha sa main dans les plis de ses vêtements. Et la mort se mit à rire, prit une coupe et la plongea dans une mare d'eau. De la coupe sortit la fièvre paludéenne. Elle traversa la grande multitude et un tiers des hommes tomba. Une brume froide la suivit, et les serpents d'eau vinrent ramper à ses côtés. Et lorsque l'avarice vit que le tiers des hommes était mort, elle se frappa la poitrine et se prit à pleurer. Elle frappa sa poitrine stérile et cria « Tu as détruit le tiers de mes serviteurs, va-t'en. La guerre est dans les mains de la Tartarie, et les rois des 2 armées t'appellent. Les Afghans ont abattu le bœuf noir et marchent au combat. Ils ont frappé de leurs lances leurs boucliers et ont mis leurs casques de fer. Qu'est-ce donc qui t'oblige à rester dans mon domaine? Va-t'en, te dis-je, et ne reviens plus. Non, répliqua la mort, tant que tu ne m'auras pas donné un grain de blé, je ne partirai pas. Mais l'avarice ferma sa main et répondit en serrant les dents, tu n'auras rien. Et la mort se mit à rire, et prit une pierre noire qu'elle jeta dans la forêt. D'un fourré de ciguës sauvages sortit la grande fièvre en robe de flamme. Elle passa parmi les hommes, et tous ceux qu'elle toucha moururent. L'herbe se flétrissait sous ses pieds au fur et à mesure qu'elle avançait. Et l'avarice tressaillit, et s'ouvrit la tête de cendre. « Tu es cruel, tu es cruel. La famine règne dans les cités de l'Inde, et les citernes de Samarcande sont desséchées. » La famille règne dans les cités de l'Égypte et les sauterelles sont arrivées du désert. Le Nil n'a pas débordé et les prêtres ont maudit Isis et Osiris. Va-t'en vers ceux qui ont besoin de toi et laisse-moi mes serviteurs. « Non, » répliqua la mort, « tant que tu ne m'auras pas donné un grain de blé, je ne m'en irai point. Je ne te donnerai rien, » dit l'avarice. Et de nouveau, la mort eut un rire. Elle siffla dans ses doigts et une femme arriva en volant à travers l'espace. Sur son front était écrit « Je suis la peste. » Une foule de vautours décharnés tournoyait à ses côtés. Elle couvrit la vallée de ses ailes. Il n'en resta plus un homme en vie. Et l'avarice s'enfuit en poussant des cris perçants dans la forêt, tandis que la mort sauta sur son cheval rouge et partit au galop plus vite que le vent. Et de la base, à l'extrémité de la vallée, sortirent en rampant des dragons et d'horribles êtres scameux. Des chacals arrivèrent en trottinant sur le sable, levant leurs museaux pour humer la brise. Et le jeune roi se mit à pleurer et dit « Quels étaient donc ces hommes, et que cherchaient-ils » « Ils cherchaient des rubis pour la couronne d'un roi, » répondit quelqu'un qui se trouvait derrière lui. Et le jeune roi tressaillit, se retourna, et vit un homme habillé en pèlerin et tenant à la main un miroir d'argent. Et il devint pâle et demanda « Pour quel roi ?» Et le pèlerin répondit « Regarde dans ce miroir et tu le verras. » Il regarda dans le miroir, et voyant sa propre face, il jeta un grand cri. L'éclatante lumière du soleil inondait la chambre et dans les arbres du jardin et de la plaisance, les oiseaux chantaient. Et le chambellan et les grands officiers de la cour entrèrent pour présenter leurs devoirs, et les pages lui apportèrent la robe tissée d'or, mais il dit au Seigneur « Remportez toutes ces choses, car je ne m'en servirai point. » et les courtisans étaient stupéfaits. Quelques-uns se mirent à rire, croyant à une plaisanterie. Mais il s'adressa de nouveau à eux sévèrement et dit « Remportez toutes ces choses. Éloignez-les de mes regards. Quoi que ce soit le jour de mon couronnement, je ne m'en servirai pas. Car sur le métier de la douleur et par les mains pâles de la souffrance, cette robe, la mienne, a été tissée. Le sang est dans le cœur du rubis et la mort dans le cœur de la perle. » Et il leur raconta ces trois songes. Et quand ils entendirent cela, les courtisans s'entre-regardèrent en murmurant « Sûrement notre Seigneur a perdu la tête, car un songe est-il plus qu'un songe? Une vision est-elle autre chose qu'une vision? Ce ne sont pas là des réalités auxquelles il faille prêter la moindre attention. Et que nous importe la vie de ceux qui travaillent pour nous? Ne boirons-nous du vin que quand nous aurons parlé avec le vigneron? Ne mangerons-nous pas de pain avant d'avoir vu le semeur? » Et le chambellan, s'adressant au roi, lui dit « Je supplie votre majesté d'éloigner ces sombres pensées et de revêtir cette belle robe, de poser cette couronne sur sa tête. Car comment le peuple saura-t-il que vous êtes un roi si vous ne portez pas les attributs de sa dignité ?» Et le jeune roi le regarda. « Vraiment » interrogea-t-il. « Ne reconnaîtra-t-on en moi le roi que si je porte les attributs extérieurs de la royauté ?»« Le peuple ne reconnaîtra point votre majesté, » s'écria le chambellan. « Je pensais qu'il y avait des hommes d'apparence royale, » répondit-il, « mais il se peut que ce que vous dites soit vrai. Et pourtant, je ne veux point porter cette robe. Je ne mettrai pas sur ma tête cette couronne, mais je veux sortir de ce palais tel que j'y suis entré. » Et il leur donna congé, ne retenant auprès de lui pour son service qu'un jeune page, d'une année plus jeune que lui-même, et qui lui servait de compagnon. Et après s'être baigné dans de l'eau fraîche, il ouvrit un grand coffre peint et en tira la tunique de cuir et le grossier manteau en peau de mouton qu'il portait lorsqu'il gardait, sur la colline, les chèvres aux poils hérissés. Il les revêtit et il prit à la main son rude bâton de berger. Et le petit page ouvrait de grands yeux bleus, tout stupéfait, et lui dit en souriant « Majesté, je vois la robe et le sceptre, mais où est la couronne ?» Et le jeune roi cueillit une branche de rosier sauvage qui grimpait sur le balcon, la courba, et en fit une petite couronne qu'il posa sur sa tête. « Ce sera ma couronne, » dit-il. Et ainsi paré, il passa de sa chambre dans la grande salle où les nobles l'attendaient. Et les nobles s'éjouirent, et quelques-uns dirent « Votre majesté, le peuple attend son roi, et il va voir un mendiant. » D'autres s'irritaient et disaient « Il fait honte à la cour, il est indigne d'être notre maître. » Mais il ne répondit pas un mot, continua son chemin, descendit l'escalier de porphyre éclatant, passa les portes de bronze, monta sur son coursier et se dirigea vers la cathédrale. Le petit page courait à ses côtés. Et le peuple riait, disant « C'est le fou du roi qui est là à cheval !» Et il l'accablait de moqueries. Et il arrêta son coursier et dit « Non pas, je suis le roi lui-même !» Et il raconta ses trois songes. Un homme sortit de la foule et s'adressant à lui d'un ton amer lui dit « Votre majesté ignore-t-elle que le luxe du riche, c'est la vie pour le pauvre? Les pompes royales nous empêchent de mourir. C'est grâce à vos vices que nous avons du pain. Travailler pour un maître sévère, c'est dur, mais n'avoir aucun maître pour lequel travailler est plus dur encore. Votre majesté pense-t-elle que les corbeaux vont nous apporter à manger? Le reste, s'inquiète-t-il de pareilles choses? Direz-vous à l'acheteur, tu achèteras pour autant, et au vendeur, tu vendras à tel prix? Je crois que non. Retournez donc au palais. « Revêtez la pourpre et le linge fin. Qu'avez-vous à faire avec nous et nos souffrances ?»« Les riches et les pauvres ne sont-ils point frères ?» demanda le jeune roi. « Sans doute, » répliqua l'homme. « Et le nom du riche est Caïn. » Et les yeux du jeune roi s'emplirent de larmes, et il continua sa route au milieu des murmures de la foule. Le jeune page, pris de peur, l'abandonna. Et lorsqu'il atteignit le grand portail de la cathédrale, les soldats croisèrent leur hallebarde et dirent « Que viens-tu chercher ici ?» Personne ne passe cette porte si ce n'est le roi. Et sa face s'enflamma de colère et il leur dit « Je suis le roi !» écarta leur hallebarde et passa. Et quand le vieil évêque le vit venir dans son accoutrement de chevrier, il se leva, stupéfait, de son trône et s'avança à sa rencontre, lui dit « Mon fils, est-ce donc là l'appareil royal? Avec quelle couronne vais-je te couronner? Quel sceptre vais-je placer en ta main? Certes, aujourd'hui devrait être pour toi un jour de joie et non pas un jour d'humiliation. La joie portera-t-elle, se couvra la douleur ? » dit le jeune roi, et lui raconta ses trois songes. Et quand l'évêque eut entendu cela, il fronça les sourcils et dit « Mon fils, je suis un vieillard et dans l'hiver de mes ans, et je sais qu'on fait beaucoup de mal choses dans le vaste monde. Les féroces brigands descendent des montagnes et enlèvent les petits enfants pour les vendre aux morts. les lions se couchent sur le sable du désert pour attendre les caravanes et se précipitent d'un bond sur les chameaux. Les sangliers dévastent les moissons dans les vallées et les renards mangent les raisins sur la colline. Les pirates sèment l'effroi tout le long de la côte, brûlent les vaisseaux des pêcheurs et s'emparent de leurs filets. Dans les marais salants vivent les lépreux. Ils ont des maisons de roseaux entrelacées et personne ne peut les approcher. Les mendiants s'en vont dans les cités et mangent leur nourriture avec les chiens. Peux-tu faire en sorte que tout cela ne soit pas? Prendras-tu le lépreux par la main et le conduiras-tu à côté de toi dans ton lit? Placeras-tu le mendiant à ta table? Le lion se fera-t-il plus doux devant toi et le sanglier va-t-il obéir à ton ordre? Le Très-Haut qui a créé la misère n'est-il pas plus sage que toi-même? C'est pourquoi je te prie de retourner à ton palais, de prendre un air joyeux et de revêtir le costume qui convient à un roi. Alors, avec la couronne d'or, je te couronnerai, et le sceptre orné de perles, je le placerai dans ta main. Et pour ce qui est de tes songes, oublie-les. Le fardeau de ce monde est trop lourd pour un homme tout seul. La souffrance de l'univers est trop lourde pour un seul cœur. Et tu dis cela dans ton temple ? Répliqua le jeune roi, et il s'avança, laissant de côté l'évêque, gravit les marches de l'autel et s'arrêta devant l'image du Christ. Devant l'image du Christ, il s'arrêta, et dans sa main droite, comme dans sa main gauche, il tenait de merveilleuses orfèvreries, le calice avec le vin jaune et le viatique avec les saintes huiles. Il s'agenouilla devant l'image du Christ. Les grands chandeliers jetaient des flammes éclatantes sur la châsse ornée de joyaux, et la fumée de l'encens s'en allait en minces volutes bleues vers la voûte. Il courba la tête, dans une attitude de prière, et les prêtres avec leur roi de chasuble quittèrent un à un l'autel. Et soudain, un violent tumulte se fit entendre au dehors, et entrèrent les nobles, l'épée nue, panache au vent, avec des boucliers d'acier poli. « Où donc est ce forgeur de songes ? » s'écriait-il. « Où est ce roi accoutré comme un mendiant ? Où est ce jeune fou qui jette l'opprobre sur la cour ? Nous allons lui régler son compte, car il est indigne de régner sur nous. » Et le jeune roi courba de nouveau la tête et continua de prier. Et quand sa prière fut finie, il se releva, se retourna et les regarda d'un air triste. Et voici qu'à travers les vitraux, les rayons du soleil ruisselèrent sur lui et lui tissèrent une robe plus belle encore que la robe destinée à son couronnement. Et son bateau mort portait des fleurs, des lys, plus blancs que des perles. Sur sa tête, la branche desséchée revivait un rose plus rouge que des rubis. Plus blanc que les plus belles perles étaient les lys et leurs tiges étaient d'argent éclatant. Plus rouge que les plus beaux rubis étaient les roses et leurs feuilles étaient d'or battu. Il était là, en costume de roi, et les panneaux de la châsse s'ouvrirent, et du cristal de l'ostensoir rayonnant jaillit une merveilleuse et mystique clarté. Il était là, debout, en costume de roi, et la gloire de Dieu emplissait le temple et les saints dans leurs niches sculptées semblaient prendre vie. Dans le superbe costume de roi, il était là, et l'orgue faisait entendre sa grandiose musique, et les trompettes sonnaient, et les enfants de cœur chantaient. Et le peuple tomba à genoux, saisi de crainte. Les nobles remirent l'épée au fourreau et rendirent hommage au roi. L'évêque devint pâle et ses mains tremblaient. « Un plus puissant que moi t'a donné la couronne, » s'écria-t-il, et il s'agenouilla devant lui. Et le jeune roi descendit du grand autel et rentra au palais en traversant la foule. Mais nul, dans cette foule, n'osa regarder sa face, car elle était comme la face d'un ange. Ainsi s'achève Le jeune roi par Oscar Wilde.